l'idée qui se dise, dans, au moins dans l'expression aujourd'hui, quand on dit c'est du chinois, c'est du chinois, particulièrement, le caste chinois. Donc, il y a une littérature. Une littérature sur la Chine autour des années 1900, mais qui s'est perpétuée dans les années 1920 et 1930, qui est, étant donné l'évolution, la considérable évolution des choses depuis là, qui est tout à fait intéressante à lire aujourd'hui pour comprendre à quel point les idées d'une époque peuvent être complètement aberrantes, mais elles apparaissent aberrantes que souvent longtemps après. Et il est probable que les idées qui sont dans l'air de notre époque et qui apparaissent si intelligentes sont probablement des stupidités que l'on découvrira comme telles dans 20 ou 25 ans. Privés de leur histoire, les minoritaires aussi sont dépossédés de leur culture, de leur civilisation, réduites au rang d'un pittoresque folklore, quand ce n'est pas un tissu de superstition et de coutumes de sauvages. Privés de tout pouvoir de développement autonome et de tout avenir propre également, les minorités étant promises de tous bords, de tous côtés, à la disparition à plus ou moins long terme, ce sont des vestiges d'un monde ancien à tout jamais disparu, des survivances des sociétés traditionnelles, inéluctablement condamnées par la marche impitoyable du progrès, de la modernité et désormais de la mondialisation. La condition minoritaire est toujours ainsi, à quelques degrés, une condition inférieure, dévalorisante, aussi peu dramatique d'ailleurs qu'elle puisse paraître dans certains cas. Les Bretons, par exemple, il serait tout à fait indécent de pratiquer l'amalgame de toutes les situations minoritaires en comparant, par exemple, la situation des Bretons à celle des Noirs aux États-Unis du temps de la ségrégation ouverte, ou en Afrique du Sud du temps de l'apartheid, ou avec les Juifs à certaines époques, ou les colonisés il n'y a pas si longtemps, situation où il faut absolument avoir conscience des degrés très divers de la situation minoritaire et de la manière dont elle est vécue par les individus. Mais cette condition minoritaire développe, quoi qu'il en soit, des phénomènes bien connus chez les dominés de honte et de mépris de soi, d'acceptation et d'infériorisation de l'image dévalorisation de soi élaborée par les autres, par les majoritaires, haine de soi, mépris de soi, auto-dévaluation, identité négative, qui fait des dominés, qui se perçoivent eux-mêmes, peut-on dire, comme des minus, les complices en même temps que les victimes de leur propre oppression et humiliation. Cette haine de soi, ce mépris de soi, se traduit chez les uns par la passivité, la résignation, ce que l'on appelle communément un complexe d'infériorité, et c'est le noir qui en arrivait, à force d'être méprisé, à ne plus se voir que comme un oncle Tom, un pauvre noir définitivement inférieur au maître blanc, comme le bon et stupide nègre de Yabon Balania. Et c'est presque aussi bien les Bretons et les Bretonnes qui, autrefois, il y a pas tellement longtemps, sont arrivés à s'identifier, à se reconnaître dans l'image de Bécassine et à applaudir aux niaiseries sentimentales d'un Théodore Botrel avec sa papelaise, sa fleur de baignoire et ses choix d'opérette, qui donnait la Bretagne en grotesque spectacle aux touristes en particulier, en général et aux Parisiens en particulier. Mais ce mépris de soi se traduit également chez d'autres par le refus et le rejet de leur propre identité. Et c'est l'homme ou la femme noire qui essaie de se blanchir physiquement en se faisant teindre les cheveux en blond ou en utilisant des produits cosmétiques ou pour s'éclaircir la peau, ou faute de pouvoir échapper soi-même à sa négrité, de blanchir sa descendance en épousant un blanc ou une blanche, ou de se blanchir symboliquement en rejetant sa négritude culturelle et tendant à s'assimiler à la culture des blancs. C'est aussi le juif honteux, un personnage toujours d'actualité, personnage bien connu qui en arrive à voir les autres, entre juifs, avec les yeux des antisémites et à pratiquer la surenchère de l'antisémitisme. C'est le colonisé autrefois, tentant de faire oublier et d'oublier lui-même ses origines en se faisant, selon les cas, plus français ou plus britannique que le colonisateur, en faisant la surenchère patriotique et en méprisant copieusement ses congénères qui n'étaient pas, eux, assimilés ou évolués, comme on disait, c'est-à-dire ces congénères qui étaient restés eux-mêmes, qui étaient restés des ploucs, des Nyakwe, comme on disait en Indochine, qu'on désignait pour parler des paysans. Donc, rejet de sa propre identité, mais les préjugés, le mépris, parfois la discrimination dont ils sont victimes, peuvent aussi conduire les minoritaires au renforcement des sentiments identitaires, de l'amour-propre collectif et des attitudes de loyauté envers son propre groupe, ce qui peut se traduire par un combat protestataire s'inscrivant dans les processus démocratiques, un combat contre ses préjugés et éventuellement ses discriminations, un combat pour l'égalité, la reconnaissance égalitaire, accompagné d'un mouvement de reviviscence ethnique et parfois de revendication d'autonomie afin de mettre fin à la situation minoritaire, ce qui peut se traduire aussi par l'enfermement communautaire, le rejet, le refus et le rejet de tout ce qui n'est pas soi et l'hostilité à la société majoritaire, jusqu'à aller sous l'impulsion de mouvements nationalistes ou de décolonisation, à entrer avec des buts séparatistes en une lutte par tous les moyens, cette fois y compris cela de la violence, pour mettre fin à cette situation minoritaire considérée comme insupportable. Et dans ces combats, qu'ils soient démocratiques, qu'ils prennent la forme du combat violent, de la guerre, dans ces combats, sous leurs différentes formes, se produit le processus constant du retournement du stigmate en emblème, selon le slogan qui fait figure de modèle du Black is Beautiful. C'est l'auto-glorification du groupe minoritaire, ce qui prend la forme d'une contre-offensive par rapport à la dépréciation systématique dont sont objets les minoritaires, c'est la revendication des différences, des particularités retournées en valeur positive, tout ce qui était vu négativement par le majoritaire et retourné positivement par le minoritaire, ce qui s'effectue avec outrance souvent, et la négation en retour par un effet miroir de toute valeur positive chez le majoritaire. Et on assiste ainsi chez les minoritaires, que ce soit dans les mouvements nationaux en Europe du 19e et du 20e siècle, dans les mouvements de décolonisation et dans certains mouvements régionalistes. On assiste à une survalorisation du groupe dominé. Tous les vices imputés par le majoritaire au minoritaire deviennent aux yeux de ceux-ci des vertus. Tout ce qui avait été méprisé par le dominant devient hautement glorieux et la moindre relique est proposée à la vénération dans la langue et la littérature, la culture matérielle et immatérielle, parfois la religion, l'histoire, le caractère national, depuis les mouvements nationaux, nationalistes du 19e siècle jusqu'au mouvement de décolonisation et régionalisme d'aujourd'hui, ce sont les mêmes processus que l'on retrouve partout. Les situations sont un peu différentes, mais le processus de retournement en stigmate est un processus absolument constant. Si l'on se place maintenant, pour terminer, terminer de l'autre côté de la situation, du côté des majoritaires. Outre les préjugés, les représentations collectives dévalorisantes que l'on vient de percevoir à travers la situation des minorités, des minoritaires, quelles sont, peut-on se poser la question, les politiques exercées à l'égard des minorités, des politiques qui sont extrêmement diverses, aussi diverses que les situations minoritaires dans le monde, dans l'histoire et aujourd'hui, des politiques qui se ramènent fondamentalement à deux grandes options, chacune se présentant selon différents modes. À l'égard des minorités, on peut tendre à les éliminer, à les supprimer, ou bien, d'une manière ou d'une autre, on les accepte. L'élimination, donc deux grandes options, ou bien on se débarrasse des minorités, des problèmes des minorités et de la situation minoritaire, en supprimant les minoritaires, ou bien on les accepte. L'élimination peut d'abord s'effectuer de manière expéditive, et c'est la plus simple, par l'expulsion. Un des exemples historiques les mieux connus et celui des protestants de France après la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV en 1685, à une époque où ce qui primait en Europe, c'était l'appartenance religieuse, comme il en est toujours aujourd'hui dans d'autres sociétés. À l'époque de Louis XIV, on pouvait bien parler la langue que l'on voulait, dans le royaume de France, on pouvait bien avoir les mœurs et les coutumes que l'on voulait, l'important c'était d'être catholique romain et tous ceux qui ne l'étaient pas devaient être éliminés. Mais on peut évoquer également les expulsions qui sont intervenues à plusieurs reprises au Moyen-Âge des Juifs jusqu'à leur bannissement d'Espagne en 1492. De même, on peut évoquer que les expulsions des Indiens de leur territoire en Amérique. Et très proches de ces expulsions sont celles que l'on a appelées les transferts de population, massivement pratiqués en Europe après la Deuxième Guerre mondiale, afin de parachever le processus qui ne l'avait pas été, qui n'avait pas été achevé à la fin de la Première Guerre mondiale, de la formation des nations, selon l'idée que les nations doivent nécessairement être homogènes linguistiquement et culturellement. On a ainsi déplacer de plus ou moins bon gré des populations d'un État à un autre, sans d'ailleurs réussir ce qui était l'idéal à atteindre, la parfaite homogénéité linguistique et culturelle des nations en Europe centrale et orientale. Et les problèmes de minorité ont persisté et ça continue, mais en tout cas, ça, l'expulsion, appelée déplacement de la population, cette politique a été mise en œuvre sur une large échelle à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et plus encore l'homogénéité religieuse devant être réalisée. On a le cas de la partition de l'Inde et du Pakistan et de ces transferts considérables par plusieurs millions d'Indiens vers le Pakistan, pays des purs, qui devait accueillir tous les musulmans et les hindous, les gens de religion hindouiste, devant rester dans l'Inde. Donc, suppression du problème des minorités par expulsion des minorités. Un moyen plus radical encore de la suppression des minorités et de leurs problèmes, c'est l'extermination. Tel que pratiqué de manière exemplaire et insurpassable par la solution finale des nazis, après que les nazis écarté la première solution qui leur est paru praticable, d'expulser tous les juifs d'Europe vers Madagascar, mais puisqu'on n'avait pas réussi à les expulser, eh bien on a utilisé l'autre manière de supprimer les minoritaires, de les envoyer dans les chambres à gaz, de les exterminer, d'autres exterminations de minorités ont eu lieu ailleurs dans le monde, et ça se pratique. Et les deux moyens d'ailleurs de l'expulsion et de l'extermination peuvent se combiner, et c'est les opérations de nettoyage ethnique pratiquées dans une histoire encore toute récente, encore toute chose, si j'ose dire, notamment par les Serbes, mais ils n'ont pas été les seuls, et qui se pratiquent aussi en plusieurs pays d'Afrique. Expulsion et extermination peuvent très bien aller de pair. Cependant, le résultat recherché d'une éradication d'une minorité peut être obtenu par des moyens s'exerçant sans violence ou avec une moindre violence, mais qui demandent nécessairement du temps. L'expulsion ou l'extermination peut être obtenue en relativement peu de temps. Les autres moyens en demandent davantage, et c'est la conversion religieuse, plus ou moins volontaire et plus ou moins forcée, très pratiquée autrefois par les chrétiens et par les musulmans. Et c'est aussi par ce qui est, d'une certaine manière, la version moderne et laïque de la conversion, c'est l'assimilation. Cette assimilation qui est peut-être plus ou moins volontaire de la part des minoritaires, ou plus ou moins forcée, une assimilation qui a été pratiquée à une vaste échelle à l'égard des immigrants aux États-Unis, principalement ceux d'origine européenne, mais pas seulement, ces immigrants d'origine européenne qui ne se sont pas, d'une manière générale, sauf quelques groupes un peu folkloriques comme les Amish de Pennsylvanie ou de l'Ohio, ces immigrants d'origine européenne qui ne se sont pas constitués en groupe particulier aux États-Unis, qui se sont assimilés, même si l'assimilation n'a pas été la réalisation de ce qu'on appelait l'anglo-conformité parfaite, même si les immigrants d'origine européenne et leurs descendants, la deuxième ou parfois la troisième génération, ne renoncent pas complètement à leur culture d'origine, qu'ils n'abandonnent pas certains traits culturels, si le processus du melting pot n'a pas toujours parfaitement fonctionné, néanmoins, les immigrants aux États-Unis sont très généralement et finalement assez rapidement devenus, en adoptant la langue et l'idéologie dominante des Américains, devenus eux-mêmes des Américains, fût-ce des Américains à trait d'union, comme on dit, des Pololo américains, des Irlando américains, des Ukraino américains, des Russo américains, etc. Tout ce que vous voulez, mais le processus de l'assimilation aux États-Unis des migrants. Assimilation très souvent volontaire de la part des immigrants eux-mêmes, a dans l'ensemble fort bien fonctionné. Et de même en France, jusqu'à une date récente, la politique a été très clairement celle de l'assimilation, aussi bien à l'égard des minorités de l'intérieur, minorités régionales, territoriales ou minorités non territoriales comme les juifs ou les tziganes, aussi bien à l'égard de ces minorités d'intérieur qu'aux minorités de l'extérieur, les immigrés qui sont nombreux depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, les Polonais, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, etc., reliés à la deuxième moitié du XXe siècle par d'autres, même si le processus n'a pas été sans problème, si le processus d'assimilation n'a pas été sans problème, à la fois du point de vue des majoritaires et du point de vue des minoritaires, mais néanmoins, ce processus d'assimilation à la française a, on peut dire, très bien fonctionné à l'égard des minoritaires régionaux et à l'égard des minoritaires venus de l'extérieur, des immigrés. Pendant plusieurs générations, l'école, le service militaire, les partis politiques, vous voyez, et les syndicats ouvriers, les syndicats salariés en général, les églises parfois aussi, ont joué un rôle dans l'ensemble très efficace dans ce processus d'assimilation qui ne s'est griffé qu'assez récemment. Bon, moyen soft, si on peut dire, comparé au hard, que sont l'expulsion et l'extermination, de supprimer les minorités, et de supprimer les minoritaires, c'est de les assimiler. Mais l'élimination n'est pas toujours recherchée par les majoritaires, et on a alors des attitudes et des politiques sous des formes diverses d'acceptation des minorités. Que le but ne soit pas d'éliminer les minoritaires, c'est tout à fait évident dans les situations esclavagistes. Les esclaves étant considérés comme du cheptel, on cherche plutôt à en augmenter la population. Et c'est évident aussi, cette acceptation des minorités dans les situations coloniales, les colonisateurs n'allaient pas supprimer la main-d'œuvre que leur fournissaient les colonisés, de telle sorte que l'élimination de certains peuples colonisés ne s'est produit que de manière marginale, peut-on dire, comme en Tasmanie, où les Britanniques, sans aucun état d'âme, ont exterminé tous les indigènes, ou en Afrique du Sud, contre les Bushmen et les Hottentots, qui étaient considérés comme des gens pas du tout intéressants sur le plan de la main-d'œuvre. Il y avait les Bantous qui fournissaient une main-d'œuvre beaucoup plus. Et donc les Bushmen et les Hottentots étaient à éliminer, comme le sont les animaux inutiles. Et les Indiens d'Amérique aussi, qui ont été souvent éliminés de cette manière. On n'a pas réussi quand même à les tuer tous. Mais la politique la plus générale en situation coloniale, c'est évidemment de ne pas massacrer la main-d'œuvre que l'on a sous la main. Et ce sont alors des politiques d'exploitation, de ségrégation et de discrimination qui sont mises en œuvre à l'égard des minoritaires, et c'est ce que l'on retrouve dans la situation qui fut longtemps celle des Noirs aux États-Unis, bien longtemps après l'abolition de l'esclavage, et sous diverses formes ailleurs, la plus parfaite, car ayant été l'aboutissement avec toutes ses conséquences de la situation coloniale, étant l'apartheid sud-africain, où on a dans le partage, on a réalisé l'idéal du colonisateur, en quelque sorte, la séparation, la discrimination, la ségrégation, l'exploitation du colonisé par le colonisateur. Une autre forme d'acceptation, c'est la tolérance. Mais une tolérance qui peut-être peut exister pour des raisons qui n'ont rien à voir avec des raisons philanthropiques, idéologiques ou philosophiques, qui sont des raisons tout bonnement économiques, utilitaires, ainsi de la tolérance des Juifs en Europe à diverses époques, les Juifs qui s'étaient rendus indispensables dans certains secteurs du commerce, de la banque, souvent aussi de la médecine, étaient tolérés sans qu'on cherche à les assimiler, en les enfermant parfois dans les ghettos, et tolérance pour des raisons tout à fait pratiques, économiques, également de manière analogue, dans des contextes différents, celle de la tolérance à l'égard des Chinois en Asie du Sud-Est, dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, ou des Indiens en Afrique orientale, des minorités qui sont tolérées, effectivement, tolérées, mais pas du tout pour des raisons philanthropiques, que la tolérance peut s'exercer en dehors de toute idée philosophique, parce que ces gens-là sont utiles et donc on tolère leur présence. Et lorsque la tolérance alors prend une forme plus positive, liée à des positions idéologiques et politiques conduisant à une acceptation des autres comme différents et non plus inférieurs, ces minoritaires qui ne sont plus pervers et haïssable, mais simplement différent, alors c'est le pluralisme et les différentes formes du multiculturalisme. Ce pluralisme qui ne va pas, d'ailleurs, comme on s'en aperçoit actuellement dans les pays qui les ont pratiqués, en Grande-Bretagne, en Allemagne, au Canada ou en Australie, ce multiculturalisme qui ne va pas sans poser un certain nombre de problèmes, ce qui n'étonne que ceux qui ne tombent pas dans le piège naïf de aimez-vous les uns les autres, enrichissons-nous par nos différences, etc. Toutes ces stupidités pour bonnes âmes ou pour gogo, le pluralisme, c'est la politique de prévoir la plus difficile qui puisse être mise en pratique. Et le multiculturalisme, on s'en aperçoit, s'impose des problèmes. La politique de tolérance religieuse et culturelle rencontre des limites quand elle amène à tolérer des groupes minoritaires qui eux-mêmes refusent la tolérance, qui s'érigent en communauté intolérante à l'égard de leurs propres membres et à l'extérieur, avec son corollaire que l'on a appelé le droit à la différence, le pluralisme, dont la laïcité à la française est une variété, ne peut, on le constate, fonctionner de manière relativement satisfaisante dans une coexistence pacifique qui est toujours difficile, il ne faut pas se leurrer à cet égard, ne peut fonctionner de manière relativement satisfaisante que par la tolérance nécessairement réciproque, c'est-à-dire tolérance réciproque, pluraliste, qui ne peut fonctionner, et même dans les meilleures conditions, il fonctionnera toujours de manière extrêmement difficile, se tolérer les uns les autres, tolérer les différences les autres, ça n'est pas du tout normal, c'est même profondément anormal. Ce qui est normal, c'est l'ethnocentrisme, c'est de considérer son propre groupe comme le meilleur de tous, et en tout cas la référence de tous les autres, et le pluralisme implique que l'on se situe dans une perspective d'ethnocentrisme contrarié. On demande aux individus de contrarier leur ethnocentrisme, et c'est quelque chose qui n'est pas facile du tout, mais qui ne peut fonctionner dans tous les cas qu'à partir du moment où s'instaure la tolérance réciproque, c'est-à-dire à partir du moment où le pluralisme fait l'objet d'une acceptation suffisamment générale dans la société, dans telle ou telle société considérée, à la fois des minoritaires et des majoritaires. C'est ce qui s'était réalisé vaille que vaille avec la laïcité depuis les lois de 1905, ce qui grince à nouveau en France. Ce qui peut se réaliser, le pluralisme, ce n'est pas une politique impossible, mais c'est une politique dont il faut bien voir la difficulté et qui ne peut se réaliser, ça semble évident, mais il vaut mieux le dire quand même, dans le respect des lois et des règles communes, ce qui est tout bêtement au principe de la démocratie, lequel, jusqu'à plus ample informé, mais on savait cela depuis au moins l'Athènes de Périclès, la démocratie qui reste le régime le plus mauvais qui soit, le plus stupide, tout ce qu'on veut, mais à l'exception de tous les autres, évidemment. Le pluralisme, c'est la démocratie, la démocratie qui s'exerce, non pas seulement dans le domaine strictement politique, mais qui s'exerce aussi dans le domaine religieux, dans le domaine linguistique et culturel, ce qui ne va pas sans grande difficulté. Excusez-moi d'avoir été trop long. Merci beaucoup, Pierre-Jean, pour cette intervention qui met les choses, je pense, au clair. Donc aujourd'hui, bon, exceptionnellement, comme c'était quand même un petit peu long, On ne va pas pouvoir débattre comme d'habitude. Il nous reste juste 10 minutes. Hein, il nous reste 10 minutes. Donc pendant ces 10 minutes, si vous voulez poser des questions, allez-y. Il vaut mieux que ce soit des questions brèves. Peut-être que Pierre-Jean pourra en répondre à plusieurs questions à la fois. Hein, en 10 minutes, ça va être un peu short. Par contre, moi, j'ai une question à vous poser. C'est qui reste déjeuner ce midi ? Il faudrait que tu la poses pour les 11h. On la posera dès l'entrée. Ouais. Donc qui reste déjeuner ce midi ? Je compte donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Vous ne restez pas, non ? OK, 9 personnes. Donc moi, je vais téléphoner au resto, mais bon, allez-y, profitez des quelques minutes qui nous restent. Moi, je pensais qu'il y avait automatiquement une séance après le repas.